aller dans le cul. Quand y'a les queues que c'est fourré dans le cul. Des lettres vous passent le hood. Le papa qui s'est en boucle. Je l'ai tous les jours calé dans le fut. Quand y'a les feux que c'est fourré dans le cul. Des lettres vous passent le hood. Le papa qui s'est en boucle. Pète tout au pète. À part ça déguste la qualité mon ref. On arrache des chromes, j'ai pas la tête négra. Mais où tu t'es cru, 3,7 c'est trop. C'est comme un sacrame 2019 c'est gras. Te réintégrer sur le gâteau je veux qu'écrou. Tes concerts des crimes, je rigole certains qui croient. En passant je t'ai cru, c'était des blagues des gains. J'ai l'impression je dégaine, j'ai le contact ta gueule. C'est comme ça que tu gagnes, tu sais le cassage de gueule. La passade décolle, avec les pieds je décolle. Il faut que tu te décampes et mettre des tartes dans le tas. Sur le terrain se démène, t'as pris deux semaines des barbares. Canon et barbares, contact jackass. Glace, tout part ici sur la tête de tes morts. On guillard les porcs, on mangera toutes les parts. Moi j'étais pas pour la parole, faisais des teucs à tes parents. Pète le compteur vide la bonbonne, mets du péril dans ma massa. En pas du temps des SS, nique sa mère les RSA. J'suis dans le bénéf JSI. J'ai tous les jours, pas c'est que au bénéf. Donc les à la chaîne, tu peux les voir comme les chenilles. Pour maman, ça sera du Chanel, faudra payer tous les choufs. Et jouer le rôle de chef, surveiller l'état des fils. Toujours apporter la folle, c'est dingue. Quand tu te promènes, faut te demander tof tof. Là j'ai tiré 7 taf, j'ai pas vendu pour le kiff, c'est dingue. Quand tu te promènes, faut te demander tof tof. Là j'ai tiré 7 taf, j'ai pas vendu pour le kiff. Et j'ai pété le toc à rêve, on va dans tous tes rooms. J'suis pas passé dans le cercle, mais j'en ai pété des rondes. Et j'ai pété le toc à rêve, on va dans tous tes rooms. J'suis pas passé dans le cercle, mais j'en ai pété des rondes. Veux tout, bah ouais, j'veux tout. Là j'suis dans le coup, là j'suis dans le coup. J'aime trop les sous, j'aime trop les sous. J'en deviens fou, j'ai l'impression que vraiment tout, ouais vraiment tout. Là j'parle de tous, là j'parle de tous. Ils perdent leurs couilles, ouais vraiment tous. On ravitaille toute l'année la vie du. J'ai tous les jours calé dans le fut. Quand y'a les feux que c'est fourré dans le cul. Des lettres vous passent le hood. Le papa qui s'est en boucle. J'ai tous les jours calé dans le fut. Quand y'a les feux que c'est fourré dans le cul. Des lettres vous passent le hood. Le papa qui s'est en boucle.